Petite, j'ai vu ma mère pleurer et maudire mon père. Pa-da-pa-pa-pa. Je me suis juré de pas lui ressembler, je reste sincère. Tes yeux brillent de passion lorsqu'ils se posent sur moi. Tes petits gestes mettent mon cœur en émoi. Ton sourire est si troublant, pas de faux semblants. J'ouvre les